L'armée approche derrière le peuple. La mer barre l'horizon. La peur crie plus fort que la foi dans chaque respiration. Mais tu dis à Moïse, avance. Le bâton se lève dans l'air et l'impossible se fonde devant la foi qui ose croire. Là où la peur voit une fin, la foi voit